Bonjour et bienvenue sur les podcasts de Ciel Espace Radio. Que se passe-t-il avec la comète Ison ? Découverte en septembre 2012 et suivie très attentivement depuis par les astronomes du monde entier, elle est passée hier, 28 novembre, au plus près du Soleil, à seulement 1,2 million de kilomètres de notre étoile. Et depuis, la situation est assez confuse. On a imaginé d'abord qu'elle avait été complètement désagrégée par notre étoile. Finalement, ce matin même, 29 novembre, un petit résidu de la comète est réapparu. Que se passe-t-il ? Nous allons faire le point aujourd'hui avec le radioastronome Nicolas Biver, spécialiste des comètes, en direct de l'observatoire de Pico Veleta en Espagne. Bonjour Nicolas Biver. Bonjour. Alors je précise que je suis aussi en compagnie de Jean-Luc Dauvergne, spécialiste de l'observation ici à Ciel Espace, car nous n'avons pas totalement abandonné l'espoir de revoir apparaître cette comète dans le ciel du matin. Pour commencer, là nous sommes donc le 29 novembre, il est 9h30 très précisément, heure de Paris. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce qui s'est passé cette nuit ? Parce que finalement, la nuit fut assez courte pour les astronomes. Oui, on a tous suivi un peu la comète, mais à distance, via les images prises par les satellites en orbite autour du Soleil, à savoir SOHO et STEREO, là, qui ont pu assurer jusqu'au ras du Soleil. Et on a cru à un moment qu'il n'y avait plus rien, puis on voit encore quelque chose ce matin, quoi. Voilà, alors c'est assez complexe, effectivement. Alors vous l'observez en onde radio, hein, vous êtes au radiotélescope de Pico Veleta, c'est une antenne de 30 mètres qui appartient à l'IRAM, l'Institut de radioastronomie millimétrique. Les ondes radio, c'est assez étonnant. Alors, donc hier, tous les spécialistes des comètes ont pu essayer d'observer l'objet grâce aux sondes solaires, vous l'avez dit, qui observent le Soleil et donc son environnement proche. Et vous êtes monté sur la montagne pour l'observer en ondes radio. Qu'est-ce qu'on voit en ondes radio d'une comète ? C'est quand même un objet a priori simplement brillant, enfin lumineux. Oui, alors en général, on est un petit peu les seuls privilégiés par rapport aux autres observateurs, parce qu'on a pu continuer à essayer d'observer la comète ces jours-ci, et puis là, j'ai continué dans moins d'une heure. Donc l'avantage des ondes radio, c'est qu'on n'est pas gêné par la lumière solaire. Et ce qu'on fait, on fait deux types d'observations. Là, j'ai des collègues à Hawaï qui observaient l'émission de la poussière en ondes radio. Donc c'est le continuum, c'est le signal qui est émis par les poussières qui sont chauffées par le soleil. Mmh. Et là, ce que je fais au Pico Veleta, c'est je recherche l'émission du gaz, quoi, toutes les espèces gazeuses qui s'échappent de la comète et qu'on essaie d'observer une par une grâce à la très grande résolution spectrale qu'on a, quoi. C'est-à-dire que donc les glaces qui se sont sublimées, qui continuent à se sublimer, puisque je crois que la température du noyau, on estime qu'elle est montée jusqu'à 2700 degrés, je crois, c'est absolument gigantesque, pour un objet qui est censé être une boule de neige sale. Je ne sais pas si vous continuez à imaginer ces objets de cette manière, mais on a souvent cette image des comètes. Donc c'est très très chaud, les gaz se volatilisent, et donc ces gaz émettent non seulement de la lumière visible, qu'on peut voir, que les astronomes amateurs peuvent voir dans leur télescope, mais aussi, c'est ça, des ondes radio. Et vous êtes capable de tirer quelles informations, finalement, de ce rayonnement en ondes radio ? Alors, en fait, le gaz qui s'échappe, la composante gazeuse, donc qui vient des glaces qui sont passées à l'état de vapeur, émet du rayonnement dans trois grands domaines de longueur d'onde. Il y a en ondes radio, c'est ce que j'observe, en infrarouge et en lumière visible. Alors, en lumière visible, en fait, ce sont des molécules déjà cassées par le rayonnement solaire qui émettent, en particulier la molécule de C2 qui est responsable de la couleur verte qu'on a vu déjà il y a une dizaine de jours sur cette comète, qui était assez flagrante. Et en ondes radio, donc on observe l'émission des molécules, là, c'est ce qu'on appelle les raies de rotation, donc c'est la quantification de l'énergie de la molécule qui fait que ça émet à des longueurs d'onde très précises. Et quand on arrive à détecter chaque raie d'émission de chaque molécule, on arrive à remonter à la quantité de molécules qui émettent ce rayonnement, et donc à la quantité de molécules qui s'échappent de la comète chaque seconde. Alors ces derniers jours, d'ailleurs, vous autres radioastronomes, vous nous avez fait peur, enfin vous aviez peut-être raison, d'ailleurs l'histoire est en train de le montrer sans doute. Il y a eu des annonces selon lesquelles finalement l'observation en ondes radio montrait une chute brutale de l'émission de gaz, ce qui a été interprété assez tôt comme finalement une mort précoce de la comète avant même qu'elle se rapproche au plus près du Soleil. Malgré tout, à ce moment-là, je crois que les sondes qui observent l'environnement du Soleil continuent à avoir d'ailleurs un objet. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment est-il possible que d'un côté on puisse voir la comète et une queue magnifique, et de l'autre côté vous autres qui observez aussi son émission ne voyez rien? Il y a eu un débat. Est-ce que vous pouvez nous résumer en quelque sorte le débat de ces dernières 24 heures et finalement aujourd'hui, est-ce qu'il y a encore un débat entre vous? Qu'est-ce qu'on peut dire de, disons, maintenant? Est-ce qu'elle existe encore? Alors, je crois qu'il faut voir pour ça qu'il y a deux choses, deux types de rayonnement, si on veut, qui viennent de la comète. Il y a ce qui est émis par le gaz, donc on peut observer dans certains cas en visible, là, je vous parlais de l'émission du radical C2 par exemple, et concernant radio, et l'émission de la poussière. Donc la poussière, c'est ce qui reste, qui est entraîné par le gaz quand il s'échappe de la comète, et ce qui va perdurer pendant des années, et qui va peupler éventuellement aussi la lumière radicale par exemple. Et de la comète, donc ce qu'on voit dans les images visibles, c'est la lumière du soleil qui est renvoyée par cette poussière. C'est des poussières qui ont été, je dirais, au départ, qui ont été soulevées par le gaz quand les glaces se sont sublimées. Alors ce qui se passe, c'est que le gaz, une fois qu'il est parti, il n'y a plus rien, et lui, il s'échappe très rapidement de la comète à des grandes vitesses, hein, qui peuvent dépasser les milliers de kilomètres heure. Tandis que les poussières s'éloignent plus lentement, surtout si elles sont très grosses, et elle perdure pendant un certain temps. Donc à l'heure actuelle, on voit toujours un nuage de poussière et une composante grosse poussière, une petite poussière autour de ce qu'était la comète. Par contre, il est probable que le gaz, ça fait déjà peut-être un jour qu'il n'a plus du tout, quoi. Là, vous aviez fait, donc vous dites, vous alliez commencer les observations dans une heure. Vous en avez fait hier, j'imagine. Vous avez vu quelque chose, vous, de la comète, disons? Alors, je dois avouer qu'ici, hier, la météo était moyenne, mais ça ne m'a pas empêché d'essayer de l'observer et de la suivre pendant près de 4 heures. Malheureusement, je n'ai rien détecté. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y avait rien, mais ça veut dire qu'en tout cas, il n'y avait pas une grosse émission gazeuse. La veille, j'avais détecté une petite émission du gaz, mais qui était quand même d'un niveau presque 10 fois plus faible que ce qu'on avait eu autour du 15 novembre quand il y a eu le gros sursaut. Donc effectivement, depuis le 22 novembre où il y a eu un deuxième sursaut d'émission gazeuse, la quantité de gaz qui s'est échappé de la comète a eu plutôt tendance à décroître. Hein. Alors si on revient sur les dernières 24 heures et si on regarde les images notamment de la sonde européenne SO, donc qui zoome, disons, tout près du Soleil, on voit assez nettement, hein, une traînée qui il y a 2-3 jours, la comète c'était hier après-midi, les choses se passent tellement vite qu'on voit ça beaucoup plus loin. La comète s'est mise à briller assez, de façon assez intense, et puis finalement elle s'est un peu éteinte. Hier, finalement, au moment où elle passait au plus près du Soleil, tout le monde, tous les observateurs disaient ça y est, c'est terminé, elle a disparu. En particulier la sonde américaine SDO qui regardait encore plus près du Soleil ne voyait absolument rien. Et finalement, cette nuit et ce matin, surprise, il y a quand même quelque chose qui est très nettement visible sur les images de SO. D'après vous, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on observe en ce moment? Bonne question. Alors, ceci dit, il y a eu une circulaire publiée récemment par Joe Marcus qui prévoyait presque ce comportement-là. C'est-à-dire qu'il y a eu des effets de géométrie, et en particulier un effet de diffusion de la lumière qui est lié au fait que la comète ne se présente plus exactement sous le même angle de phase, qui fait que maintenant la configuration est plus favorable qu'elle n'était il y a ne serait-ce qu'une quinzaine d'heures, pour rendre la diffusion de la lumière plus efficace. Donc il peut y avoir un gain de 2 magnitudes rien que par des effets géométriques, donc ce qui fait qu'au moment du périhélie, on voyait plus grand-chose. Et puis il y a une autre chose aussi, quand elle est passée au plus près du Soleil, les plus petites poussières ont dû être trop chauffées par le Soleil, et c'est ce qu'on avait vu aussi sur la comète Lovejoy de 2011, au point que tout près du Soleil, il n'y avait plus de petites poussières, elles étaient tout de suite vaporisées. Et quand la comète s'est à nouveau un peu rééloignée, ou la comète ou ce qu'il en restait s'est rééloigné du Soleil, ces petites poussières qui en fait contribuent majoritairement à la lumière diffusée ont été à nouveau présentes. Et ça fait que la comète, on la revoit un peu mieux, quoi. Ou la comète, mais probablement les débris de la comète qui émettent encore des petites poussières se voient mieux maintenant, quoi. Alors, on compare souvent, c'est vrai d'ailleurs, ils ont à Lovejoy. Lovejoy, elle avait été assez surprenante puisqu'on l'avait aussi donnée quasiment pour morte, et puis finalement elle avait donné un spectacle assez beau après son passage au plus près du Soleil. Est-ce qu'il reste une possibilité qu'ils ont se comporte de la même manière et finalement se réactive dans les heures qui viennent? Alors, Je pense pas, parce qu'il y avait quand même une chose un petit peu différente dans le comportement des deux comètes. La comète Lovejoy, quand elle se rapprochait du Soleil, on a clairement vu le noyau devenir plus brillant. Et puis, ce qui s'est passé, c'est qu'au plus près du Soleil, bon, elle est passée quand même beaucoup plus près du Soleil, elle est passée, je crois, 4 fois plus près de la surface du Soleil. Donc, la queue de poussière fine, comme je disais, elle a disparu aussi, elle est un peu chassée par le vent solaire. Donc, il ne restait plus que nos noyaux, qui était à peine visible, mais qui a même été vu, je crois, par Asdeo quand elle est passée derrière le Soleil. Donc, il y avait toujours quelque chose qu'on voyait. Et il y a eu à nouveau aussi un flash lumineux près d'un jour après, là, au moment où le noyau a dû se désintégrer. Donc, Lovejoy serait désintégré quand même après le passage au périhélie. Tandis que, dans le cas de Lison, elle a eu probablement ce flash lumineux de désintégration il y a une quinzaine d'heures avant, c'est-à-dire hier au tout début, vers le milieu de la nuit, quoi, où elle était au plus brillant. Mais il y a autre chose, par contre, ce qu'on voyait sur la queue de Lison avant qu'elle rentre au plus près du Soleil, donc quand elle était déjà dans le champ du chronographe C3 de Lascaux, on voyait qu'il y avait deux queues. Et il y a une queue qui est composée de plus grosses poussières, de très grosses poussières, de deux débris qui font de taille de quelques centimètres, voire même quelques mètres, qui traînent sur l'orbite de la comète depuis beaucoup plus longtemps que le reste des poussières, et qui, elles, ces grosses poussières n'étaient pas présentes dans le cas de Lovejoy, et qui, par contre, ont mieux résisté à leur passage près du Soleil. Et c'est ces grosses poussières qu'on voit encore, et qui sont responsables, gros poussières, ou plutôt des débris, responsables de l'activité actuelle, quoi. D'accord. Ça veut dire qu'en fait, là, vous allez commencer vos observations dans une demi-heure, si je compte bien. Vous attendez à voir pas grand-chose, finalement, c'est ça ? Je vais bien essayer de voir s'il y a quelque chose, mais à mon avis, ça va être très difficile, parce que probablement qu'il reste des fragments, comme on a vu d'ailleurs, comme la comète 1999-4 linéaire qui s'est désintégrée en 2000 avec le télescope spatial. Ils ont vu qu'il y avait des fragments qui faisaient quelques dizaines de mètres de diamètre, qui étaient très faibles mais accessibles à un télescope spatial parce qu'ils pouvaient observer. Là, en l'occurrence, il y a des fragments qui individuellement font une magnitude de 15-20, personne ne peut les voir, mais c'est peut-être eux qui sont responsables d'une activité assez réduite de la comète. Mais la difficulté, nous, en radio, c'est qu'on observe dans une toute petite ouverture qui fait 9 secondes d'arc de diamètre. Et si ces fragments sont dispersés sur plusieurs minutes d'arc et loin de la position initiale du noyau, ça va être très difficile, quoi. Écoutez, alors vous n'êtes pas très très très optimiste. Malgré tout, c'est une comète qui reste importante scientifiquement parce qu'elle a été découverte très tôt. On a très tôt compris qu'elle allait s'approcher vraiment très près du Soleil. Je crois que c'est un cas unique, non pas des comètes qui passent si près, mais observées si tôt avant qu'elles n'arrivent. Scientifiquement, vous pensez qu'on a déjà appris des choses, disons, et qu'est-ce qu'on peut avoir appris de ce passage près du Soleil? Bon, elle a été vraiment sous le feu de tous les télescopes possibles, même si près du périhélie, même les télescopes optiques ont eu du mal à la voir, ou même n'ont pas réussi à la voir. Donc, il y a des choses qu'on a appris parce qu'on a suivi, pratiquement jour le jour, même avec le radiotélescope ici, son évolution, quasiment de la mi-octobre jusqu'à il y a quelques jours, quoi. Donc là, on a toute une campagne de données à analyser, quoi. Par contre, tout près du Soleil, bon, on espérait de faire un peu de science qu'on n'a pas vraiment réussi à faire parce que la comète n'a pas monté en activité aussi haut qu'on voulait. Donc je crois que les observateurs optiques n'ont pas pu, pour faire la spectroscopie, notamment voir les émissions des métaux. Bon, ça sera à faire sur une prochaine comète du groupe de Creuse, probablement. Le groupe de Creuse, c'est quoi Alors, le groupe de Creuse, c'est des comètes comme Lovejoy, ils sont des comètes qui sont sur une orbite à peu près similaire, décrite en 500 à 800 ans, et qui sont des débris d'une comète qui serait passée déjà il y a quelques milliers d'années près du Soleil, et il en passe régulièrement. Donc, on a peut-être une très brillante toutes les 20 à 30 ans, donc on aura peut-être une autre occasion comme ça. Et elle passe aussi extrêmement près du Soleil, voire 50% plus près en moyenne du Soleil que la comète Lison. Donc on aura peut-être, on espère avoir une autre occasion de faire ce genre de science. Mais bon, ceci dit, on a quand même recueilli pas mal de données, notamment lors des gros sursauts autour du 14-15 novembre. Donc on a de quoi travailler, je veux dire. Et finalement, pourquoi c'est si difficile alors qu'effectivement on avait découvert cette comète il y a plus d'un an et on connaissait parfaitement sa trajectoire. On savait à l'avance donc ce qu'il allait se passer d'un point de vue en tout cas dynamique, d'un point de vue mouvement. Et pourquoi c'est si difficile de prévoir la réalité du spectacle en fait quand elle est au plus près du Soleil? Et finalement, pourquoi aujourd'hui on attendait au départ une comète vraiment très importante, c'est pas évident qu'on puisse l'observer même dans les jours qui viennent. Qu'est-ce qui explique ce décalage finalement entre notre connaissance de son mouvement et finalement on ne sait pas trop dire ce qu'elle va faire et ce qu'elle va montrer comme spectacle? Je crois qu'il y a deux choses dans les comètes. Il y a la trajectoire, et bon, là, il y a ceux qui s'occupent de la mécanique céleste et de calculer les orbites des comètes savent faire les choses assez précisément. Et le fait que maintenant elles sont observées très régulièrement depuis longtemps, ça permet de prévoir très, très rapidement quelle sera sa trajectoire, même s'il y a eu des petites incertitudes ces derniers jours. Et après ça, il y a ce qu'est la comète elle-même. Mmh. C'est-à-dire qu'un objet qui fait 100 km de diamètre ou qui fait 1 km de diamètre, s'il est passé sur une orbite donnée, les deux auront la même trajectoire. Par contre, l'activité ne sera pas du tout la même. Mmh. Et ça, c'est la grande inconnue. C'est-à-dire qu'une comète nouvelle, quand elle est découverte, on est incapable de dire quelle est sa dimension. Parce que tout ce qu'on voit, c'est vraiment la partie émergée de l'iceberg. Et encore, même moi, c'est le gaz et la poussière qui s'en échappent. Et s'il y a plus de 100% de la comète qui est active, ou s'il n'y a que 1% de la surface de la comète qui est active, eh ben, ça nous donnera une fausse idée de la taille réelle du noyau. Quoi. Donc il y a aussi Jean-Luc Dauvergne dans le studio avec moi. Jean-Luc, vous, maintenant qu'on a donc plus d'informations sur ce qui est advenu, disons, au plus près du Soleil, est-ce que d'après vous, on a encore une chance de la voir avec un télescope? Est-ce que les astronomes amateurs peuvent tenter l'observation dans les jours qui viennent? Là, c'est plutôt inquiétant dans la mesure où il ne reste pas spécialement de noyau. En fait, ce qui aurait été idéal pour nous, c'est qu'elle se comporte comme Lovejoy qu'on évoquait, c'est-à-dire qu'elle se désagrège quelques jours après le passage au périhélie. Lovejoy, elle avait tenu encore 4 jours après le passage au périhélie. Et du coup, elle s'est désagrégée à un moment, ce qui a fait une production de poussière énorme. Et c'est ça qui l'a rendue finalement spectaculaire de façon totalement inattendue. On n'attendait pas du tout à ce que cette comète soit une comète de premier ordre. Alors du coup, il va peut-être falloir essayer de trouver un moyen de se consoler. La solution, c'est peut-être d'aller voir une autre comète Lovejoy qui a été découverte au mois de septembre dernier. Thierry Lovejoy, c'est un astronome amateur australien qui arrive à découvrir pas mal de comètes. Et donc en septembre, il a trouvé une autre comète intéressante qui s'appelle C2013R1 Lovejoy. Et ces jours-ci, au moment où on parle, elle se balade du côté du haut de la constellation du Bouvier. Donc elle est observable une bonne partie de la nuit. Et en fait, cette comète, elle est déjà visible à l'œil nu. En fait, elle a une magnitude de 4, ce qui finalement est assez exceptionnel. Des comètes visibles à l'œil nu, il n'y en a pas forcément tous les ans. Et les gens qui l'ont photographiée ont déjà fait des images assez intéressantes. Puis en fait, ces derniers jours, évidemment, tout le monde parle d'Ison, puisque tout le monde attendait un grand spectacle du côté de Ison. Et du coup, ça a complètement éclipsé cette comète Lovejoy. Même nous, on met des actualités sur notre site internet. On s'est concentré surtout sur Ison et puis on a juste évoqué Lovejoy en aparté. Alors que s'il n'y avait eu que Lovejoy, on ferait que parler de Lovejoy. Donc il va sans doute falloir se consoler avec cette comète déjà assez intéressante et qui va être visible encore pendant plusieurs semaines jusqu'à la fin du mois de décembre. Elle peut être relativement intéressante. Nicolas Biver, là je parle à l'astronome amateur et aux passionnés de comètes et d'observation visuelle. Vous allez vous êtes donc au sommet d'une montagne où a priori il est censé faire assez beau. Vous allez essayer d'observer alors Ison ou Lovejoy de façon optique avec un télescope? Oui, Lovejoy, je peux vous dire que moi je l'ai regardé il y a 4 heures même pas. Ouais. Donc la nouvelle comète Lovejoy de 2013, quoi. Oui, oui. Et en plus, je dois vous dire que on a officiellement prévu, avec l'accord du directeur de l'IRAN, d'utiliser cette comète Lovejoy en question comme source de remplacement de Ison. Donc, je l'ai observé avec le radiotélescope hier et avant-hier aussi, et on va encore l'observer probablement tout à l'heure et dans les jours qui viennent et même dans les 15 jours qui vont venir. Et, parce qu'il se trouve par chance que cette comète Lovejoy se trouve à peu près à la même ascension droite que la comète Ison. D'ailleurs, les deux devaient être assez proches l'une de l'autre vers la mi-décembre. Et donc, ça tombe dans les mêmes créneaux horaires. Donc, nous aussi, on se console avec la comète Lovejoy. Mais je dois dire que avant-hier, quand j'ai observé les deux, où j'ai à peine détecté la comète Ison, la comète Lovejoy était quand même 20 fois plus forte en onde radio. Et invisible, elle était donc visible légèrement à l'œil nu, avec une belle queue de 4 degrés ou jumelle, quoi. D'accord, donc heureusement, tout n'est pas perdu ni pour les astronomes amateurs, ni pour les scientifiques, parce qu'il y a plusieurs comètes dans le ciel actuellement. Écoutez, Nicolas Biver, je vous remercie. Vous allez rester jusqu'à quand au sommet de la montagne à Pico Velletta? Alors là, j'ai encore 3 journées d'observation prévues initialement sur Ison, et puis on va faire aussi l'observation de la comète Lovejoy 2013 R1, donc dans ces 3 jours qui viennent. Et je reviendrai aussi donc du 9 au 16 décembre à nouveau pour observer. Initialement, c'était prévu Ison, mais très vraisemblablement, on va aussi observer la nouvelle comète Lovejoy et puis faire des sciences intéressantes sur celle-là, quoi. Très bien, bah écoutez, merci beaucoup Nicolas Bivert de nous avoir pris au téléphone depuis Pico Veleta. Là, vous commencez vos observations dans 20 minutes, donc je vais vous laisser préparer tout cela. Je vous remercie, à une prochaine fois sur Ciel Espace Radio ou dans les colonnes de Ciel Espace. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup à tous nos auditeurs de nous avoir écoutés pour ce podcast assez exceptionnel au plus près de l'actualité en compagnie de Nicolas Bivert sur la montagne de Pico Veleta en Espagne à l'observatoire de l'IRAM et Jean-Luc Dauvergne en studio dans les locaux de Ciel et Espace. Nous vous remercions de votre écoute et à bientôt pour une prochaine émission.